succès pour peindre. Or l'exceptionnel, l'étrange, le stupide, se hâter et voler plus haut que le danger. Briser la pitié, ne plus jamais manger. Méditer sans laisse, si loin de toute liesse. Laisser l'avenir et le derrière se mêler. Le métal qui caresse.